Pascal, briller pour mon capital, mais que ferais-je? Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gemozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et en ce lundi 19 novembre, avant de parler du prénom du jour, on va faire un point sur vos conditions de circulation qui peuvent être compliquées encore ce matin, suite à la manifestation du samedi 17 novembre qui s'est prolongée ce dimanche et qui se prolonge encore par endroits ce lundi matin. Donc si vous devez aller travailler, prenez le temps de partir un petit peu plus tôt, si des fois vous tombez sur un blocage. Pour la plupart ce sont des blocages filtrants, mais bien sûr avec la circulation on doit aller travailler, c'est compliqué par endroits. Prenez votre mal en patience, je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ou sinon prenez un autre itinéraire, c'est ce que j'ai fait ce matin, et notamment sur la voie express, sur la N57 entre Épinal et Remiremont, il n'y avait aucun problème sur la route ce matin. Bon courage à tous en tout cas. Allez, donc aujourd'hui, en ce 19 novembre, nous souhaitons une bonne fête au Tanguy, c'est un prénom breton et qui vient donc du celte signifiant chien ou guerrier de feu. Réservé et secret, Tanguy est un personnage qui ne suit pas toujours les voies traditionnelles. Original ou parfois marginal, il donne l'impression d'être insensible et distant, alors qu'en réalité, il est timide et inquiet. Lorsqu'il se sent à l'aise, il se révèle amical et ouvert, éclectique. Il a, tel l'iceberg, toute une partie cachée. Ainsi est-il parfois rieur, léger, badin, séducteur, passionné de foot ou de tennis, apparemment facile et sans complications. Puis quelques instants plus tard, il devient un personnage grave, raisonneur, réfléchi, beaucoup plus profond et sérieux que nous n'aurions pu l'envisager. Chez lui, il y a les jours où extraverti, ludique, il se montre pressé ou empressé, enthousiaste, tenté par les plaisirs et les amusements, et ceux où introverti, asocial, il recherche la solitude pour faire le point, méditer ou réfléchir. Tanguy est un être sensible, mettant à dissimuler sa vulnérabilité derrière un sourire plus ou moins ironique. Les remarques mi-amères, mi-caustiques lui sont plus faciles que les mots tendres. L'humour est souvent son exutoire. Voilà pourquoi il demeure insaisissable aux yeux de son entourage, d'autant que souvent intéressé par ce qui sort de l'ordinaire, par les énigmes, il cultive lui-même le mystère. Il est curieux et préfère écouter les autres qu'il juge plus intéressants que lui. Tanguy est en fait un rationaliste d'esprit scientifique. Néanmoins, il a une grande intuition et s'il se donne la peine de l'écouter, il aura d'heureuses surprises. Dicton du jour, à la Saint-Tanguy, jamais vent ne languit. À la Saint-Tanguy, le temps est toujours gris. Saint-Roland au champ, Saint-Tanguy à l'écurie. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale des hommes. C'est la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants, créée en 2000 par la Fondation Sommet Mondial des Femmes. C'est la journée mondiale des toilettes publiques, décidée en 2001 à Singapour. Au Brésil, c'est la journée du drapeau. À Monaco, c'est la fête du prince. Et à Porto Rico, c'est le jour de la découverte de Porto Rico. Et ça s'est passé un 19 novembre. En 1493, c'était la découverte de Porto Rico par Christophe Colomb. Et en 2010, avait lieu la première journée de l'homme. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec les Guns N' Roses et leur titre « Knocking on Heaven's Door ». Bathroom Les Guns N' Roses sur RGM, pile 8h40, et ça fait du bien, ça réveille. Eh bien, il est temps pour nous de parler anniversaire. Hein. Ils sont nés un 19 novembre 1933, naissance de Larry King, présentateur de télé américain, reconnu aux États-Unis comme étant l'un des plus grands intervieweurs des temps modernes. 1942, naissance de Calvin Klein, de célèbre couturier américain. 1954, naissance de Kathleen Kinley, actrice américaine vue dans American Graffiti dans le rôle de Peg, la série télé Associée pour la loi dans le rôle de Lynn Holt, Prison Break dans le rôle de Christina Rose Schofield ou encore Chicago Fire. 1958, naissance de Charlie Kaufman, scénariste américain à qui l'on doit Dans la peau de John Malkovich ou encore Adaptation. 1959, naissance d'Alison Janney, actrice américaine vue dans 6 jours 7 nuits, 10 bonnes raisons de te larguer, la série télé Les haines et passions dans le rôle de Ginger ou encore La Maison Blanche dans le rôle de C.G. Craig. 1960, naissance de Matt Sorum, musicien américain qui fut le batteur du groupe Guns N' Roses. 1961, naissance de Meg Ryan, actrice américaine connue pour son rôle de Carol dans le film Top Gun, le rôle de Sally Albright dans Quand Harry rencontre Sally, vue également dans Vous avez un message ou encore Mon espion préféré. 1962, naissance de Jodie Foster, actrice et réalisatrice américaine, vue dans Taxi Driver dans le rôle d'Iris Stinsma, Les Accusés dans le rôle de Sarah Tobias, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, Le Silence des Agneaux dans le rôle de Clarice Starling, Oscar de la meilleure actrice, Maverick, Panic Room dans le rôle de Meg Atman, Un long dimanche de fiançailles dans le rôle d'Elodie Gordes, Inside Mine, L'homme de l'intérieur, Avif, L'île de Nîmes dans le rôle d'Alexandra Rover, Le complexe du Castor dans le rôle de Meredith Black, où elle est d'ailleurs réalisatrice de ce film. 1963, naissance de Terry Farrell, actrice américaine, connue pour son rôle du lieutenant Jadzia Dax dans la série télé Star Trek Deep Space Nine. 1965, naissance de Laurent Blanc, ancien footballeur français, reconverti en entraîneur. Il a été joueur de 1983 à 2003 en jouant à Montpellier, Naples, Nîmes, Saint-Etienne, Auxerre, Barcelone, Marseille, l'Inter de Milan et Manchester United. Et entraîneur, eh bien, il a été l'entraîneur des Girondins de Bordeaux de 2007 à 2010, de 2010 à 2012 sélectionneur de l'équipe de France et de 2012 à 2016 entraîneur du Paris Saint-Germain. 1969, naissance d'Alison Balson, actrice américaine connue pour son rôle de Nancy Olsen dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie. C'est également l'année de naissance de Richard Virenque, cycliste français de 1991 à 2004, spécialiste de montagne, hein, spécialiste également du Tour de France. Il a été un des plus jeunes porteurs du maillot jaune, c'était en 1992, et il est le coureur du Tour de France ayant remporté le plus de fois le maillot à points, celui du meilleur grimpeur, qu'il a endossé à 7 reprises de 1994 à 97, en 1999, en 2003 et en 2004. Il a également remporté 7 étapes du Tour de France qu'il a terminé 2 fois sur le podium en 96 et 97, et il a également remporté le prix de la combativité du Tour de France 96, 97 et 2004. 1976, naissance de Robin Dunne, acteur américain vu dans La Mutante 3, Just Friends ou encore la série télé Sanctuary dans le rôle du docteur Will Zimmerman. 1983, naissance d'Adam Driver, acteur américain vu dans Lincoln de Steven Spielberg dans le rôle de Samuel Beckwith dans Star Wars, Le Réveil de la Force, ainsi que Star Wars, Les Derniers Jedi dans le rôle de Kylo Ren, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans Star Wars épisode 9, sortie prévue pour l'année prochaine, vu également dans le film Silence de Martin Scorsese dans le rôle du père Francisco Garoupé, et vu également dans la série télé Girls dans le rôle d'Adam Sackler. 1989, naissance de Tiga, chanteur américain. En 1703, décédé l'homme au masque de fer, l'un des prisonniers les plus fameux de l'histoire française. Le mystère entourant son existence ainsi que les différents films et romans dont il a fait l'objet n'ont cessé d'alimenter les imaginations. En 1828, décédé Franz Schubert, compositeur autrichien. Mort à 31 ans, il est l'un des plus grands compositeurs du 19e siècle, maître incontesté du Lied. C'est un poème germanique chanté par une voix accompagnée par un piano ou un ensemble instrumental, et on écoute d'ailleurs tout de suite un extrait. Il Fräulein, Bächlein hell, da schoss sie froh ein. Die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruhe des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute. Voilà pour l'extrait de Schubert. En 2008, décédé John Michael Hayes, scénariste américain qui l'on doit Fenêtre sur cour, La main au collet ou encore L'homme qui en savait trop. Et en 2014, décédé Mike Nichols, réalisateur américain du célèbre film Le Lauréat, récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur. Allez, tout de suite, on va écouter le chanteur Tiga avec son titre Tate. On the pimp game with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitches in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pen. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your bitch like a spray tan? Mister, what kind of car you in? In the city, love my name, nigga, I ain't gotta say it. She can get a taste. She can get a taste. Fuck what a nigga say. It's all the same like Mary Kate. She can get a taste. Let you get a taste. Do you love a taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. A lot of girls like me, niggas wanna fight me. Nigga, get your ass checked like a fucking Nike. Me not icy, that's unlikely. And she gon' suck me like a fucking high C. Chains on the neck for the whole team. And I feel like Gucci with the ice cream. And my bitch want the Fenty, not the Maybelline. I'm the black JB, the way these bitches scream. Make these bitches scream. Pretty little thing. Like my nigga AE. Say, yeah, that I mean. She can get a taste. She can get a taste. Fuck what a nigga say. It's all the same like Mary Kate. She can get a taste. Let you get a taste. Do you love a taste? Yeah, that's cool. How's it? Yeah. I'ma put the drip on the plate. Yeah, diamond ice glaze, niggas imitate. Ay, ay, feed me grapes, maybe with the Drake. Slow pace in the Rafe, got this shit from base. Diamonds at the bar, the cookie hitting hard. The Robert's in par, I'm at it on Mars. Shotgun shells, we gon' always hit the tar. Popcorn, bitch, shell popping out the cartridge. 3400 outside, char bar. 4-8-8, Ferrari. Make her get on top of me and rob me like a heart. She wanna keep me company and never want to bar me. The bar, yeah. Fishtail in the parking lot. I don't kick it with these niggas cause they talk about you. Yeah, and I got the fight, don't make me spark it at you. Yeah, keep it in my back pocket like it's a wallet. Got the way she suck it like a jelly. Stack it up and put it with the whole project. And she got that paddock on water moccasin. I'm rich in real life, I get that profit copy. She can get a taste. Let you get a taste. Do you love a taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. LA, you can get a taste. Miami, you can get a taste. Oakland, you can get a taste. New York, do you love a taste? Chi-town, you can get a taste. Houston, you can get a taste. Hey, Portland, you can get a taste. Overseas, let the bitch taste. She can get a taste. She can get a taste. Do you love a taste? Worldwide, they gon' get a taste. Tiga sur le 107 FM, il est presque 8h50, on fait un point météo. La météo. Alors, ce matin, c'était plutôt nuageux, mais ça a l'air de se dissiper pour laisser apparaître un beau ciel bleu. Donc, est-ce qu'on va en profiter toute la journée ? C'est moins sûr, mais bon, pourquoi pas. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 2 et 3 petits degrés cet après-midi. D'ailleurs, quelques petits flocons de neige seraient à prévoir en fin de journée. Pour mardi, ce sera de la pluie, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin, entre 4 et 6 degrés l'après-midi. Et pour mercredi, du soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin et entre 5 et 6 degrés prévus pour mercredi après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le football et la Ligue des Nations. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur le match Pays-Bas-France, si ce n'est bien que la France s'est inclinée 2-0. La France n'a plus son destin entre les mains pour se qualifier pour le Final Four. Pour cela, il faut espérer une victoire de l'Allemagne ce soir face aux Pays-Bas. Donc, on va tous être derrière l'Allemagne hein, pour une fois. Et voilà, si les Allemands battent les Pays-Bas ce soir, eh bien la France restera première donc de ce groupe et se qualifiera donc ainsi pour ce fameux Final Four d'ailleurs qui aura lieu au Portugal. On sait ça depuis ce week-end. Et en Coupe de France, Épinal s'est imposé 4-2 à Golden Lion après prolongation. Thaon-les-Vosges s'est imposé et qualifié 3-0 face au club des vieux habitants. Et Raon-l'Étape s'est qualifié 1-0 face à Bourg-en-Bresse. Un mot de basket avec la victoire de Nancy en Pro B face à Aix-Maurienne. Et en National 1, le Jet Vosges s'est incliné 72-81 face au club d'Aubenas. Et en basket féminin, en qualification pour l'Euro 2019, la France a battu ce week-end la Roumanie 90-61. Un mot de rugby tout d'abord et honneur aux dames avec la France qui a battu la Nouvelle-Zélande 30-27. Et dans leur tournée d'automne, eh bien, les Français ont battu les Argentins. 9 mois qu'on attendait une victoire de l'équipe de France. Eh bien, elle est arrivée ce week-end donc avec une victoire 28-13. Un mot de sport automobile avec Sébastien Ogier qui a remporté ce week-end son 6e titre mondial. Un mot de hockey sur glace maintenant avec le match de Détroit qui a lieu samedi soir à Champigny-sur-Marne. Et la victoire des Spinaliens, 2-1. Prochain match pour l'équipe spinalienne, ce sera ce samedi à la patinoire de Poissompré avec la réception de Champigny-sur-Marne. Et on termine avec le tennis et le Master de Londres où la finale de simple messieurs a vu s'opposer Alexander Zverev à Novak Djokovic et le numéro 1 mondial serbe s'est incliné en finale face à Zverev 6-4, 6-3. Décidément, on n'a pas fini d'en entendre parler de ce Zverev et Novak Djokovic qui termine donc ainsi cette saison à la place de numéro 1 mondial, ça on le savait déjà. En double messieurs, la paire Mahut-Herbert s'est inclinée en finale 5-7, 6-1 et 13-11 alors que les Français ont une balle de match. Mais va falloir vite se ressaisir pour la paire tricolore puisque je vous le rappelle que la finale de la Coupe Davis c'est ce week-end. Et en double fauteuil messieurs, eh bien, la victoire pour nos Français, Stéphane Houdet et Nicolas Péfer. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale. Il fait froid, on se croirait en hiver. En plus, il y a de la neige qui est tondue. Et ben moi, j'ai envie de retourner en été. Et oui, c'est un titre qui date d'il y a un an. Mais voilà, j'avais envie d'un petit peu de chaleur en ce lundi matin. On écoute tout de suite Luis Fonsi et Despacito. Ay, Fonsi, Tigua. Oh, oh no, oh no. Oh, hey, go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Tigua.